تصل من المطار إلى السكنك. أصل بالحافلة. ثانيا. عندي سؤال. Pourquoi là le père de la il est présent là? Comme. Le fiel il est au mot d'alerte là. Là c'est quoi le sens de la question en fait? C'est avec quoi tu t'es rendu? Non, c'est au mot d'arrière. Avec quoi tu te rends de l'aéroport à ta maison? Par quel moyen? ثانيا كم تكلف الرحلة من المطار إلى السكن؟ تكلفها غالي جدا. غالي. شير. شير. جلبي شير. صحيح؟ لا. Attends, c'est bien combien tu as payé le voyage de la... Combien coûte? Combien? Ah ouais. Combien t'as coûté, dis-moi. Ouais, bah, j'ai dit, ou qu'elle l'ifoura, et là, toi, tu dis, quelle la fatni. T'es pas sujet, toi. Le sujet, c'est rihala. T'as confondu entre le sujet et le mafoulbi. Pourquoi il y a un tel, là? Parce que le rihla, c'est le sujet, c'est le fa'il. Et rihla, l'endomma, c'est le fa'il. Combien t'as coûté? La course, elle m'a coûté tant. Yukalifuni, en fait, c'est ça? Aïe, ouais. Tukalifuni. Tukalifuni. Kam? Kam tukalifuk? $1,000. C'est vraiment, hein? Siltata Ashara Alatu Nagarat. Ça fait? تكلفني ستة عشرة آلاف ريالات. لا تقول ستة عشر. ستة عشر. نعم. ألف. آلاف. لا ألف ومفرد. Ah, c'est un dars de Ahkam al-Adad, ça c'est un autre dars. Mais entre. Le pluriel, il vient que entre 3 et 10, c'est tout. Après, il vient en singulier. Non. Salifan, bimada, afon, maada, taf alouise, kadimta, il est le moteur, ou alam, nestakbilka, ahadun. تفضل أجيب حتى هو سأجيب إن شاء الله أجيب أولا جلست وانتظرت وإن طول الوقت قررت الاتصال بالذي استخرج تأشيرتنا لكن هو قال ماذا تفعل ما قال ماذا فعلت سألك في مضارع فعلت قال ماذا تفعل ما قال ماذا فعلت انا لقد تجلست تقول لا اجلس نعم اولا اجلس وانتظر وان طول الوقت اقرر الاتصال بالذي استخرج تاشيره طيب وانت اقرا الذي كتبته إذا قدمت إليه استقبلني. شكون كتب إكري؟ C'est quoi la question? Je lis en écran Laura Labia ou je lui donne directement la traduction. Et les deux. Les deux. ماذا تفعل إذا قدمت إلى المطار ولم يستقبلك أحد؟ Ah, la question, j'ai traduit. Ça Taktoum. Taktoum. Ou Tastel. Est-ce que tu as. Maza, ça veut dire quoi, Maza? Est-ce que tu fais. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es arrivé? Si tu arrives à l'aéroport. Ah, mais tu vois, pourquoi là il est au. T'as vu? Pourquoi là il est au. Moi, là. Hein? Parce qu'il dit si tu arrives, mais là c'est si tu es arrivé en fait. Hmm? Qu'est-ce que tu fais si tu es arrivé? Moi, c'est ça que je comprends. Là, il veut dire si tu arrives. Qu'est-ce que tu fais si tu arrives à l'aéroport et personne ne te reçoit? Ailleurs? Ah ouais, donc, ok. Anna, pourquoi Jilis fait le matin? C'est un peu comme un tour, là. Tu vas rester longtemps. طيب ندخل في الوحدة الثالثة من الموضوع الثاني بعنوان المواصلات qui sont les transports. طيب قال الوصول إلى المكتبة. الوصول qu'est-ce qu'il veut dire? L'arrivée. Non. طيب الكلمة الجديدة غالية. غالية في الفمينة دو غالين كي بدي أخشير. شارع شوارع شارع سي لا رو شوارع سي لو بلوريال. وسيلة c'est un moyen. Voici là, c'est un moyen. Muzdahima, à la base Muzdahim c'est un lieu qui est bondé, plein de gens, il y a la foule. Allez, Muzdahim, c'est un lieu où il y a de la foule. Et là le thème important parce qu'il est au féminin. دراجة لا سان فيلو نوافذ سي الجيم دو نافذة كيو دير فنتر. Afdol, c'est meilleur, préférable. Hada afdol min hada, cela est mieux, mieux que cela. Kathira, ma'louf, beaucoup. Da'imen, ça veut dire tout le temps, continuellement, toujours. Kurb, ça veut dire proche. Et Kour. Proche par où, on est proche de toi. Là, il veut un lieu, là. On va peut-être un temps. Pourquoi tu dis Kour? Tu me dis ça. Hein? Tu me dis ça, Kour, rapproche-toi. Là, moi, je te dis Ukrum. Ah. C'est un verbe. Là, c'est pas un verbe. Oui, mais ça veut dire un lion, attends. Mais quoi, c'est valable pour les lions, je pense. Non, Karim. طيب مواقف السيارة مواقف سر جنب موقف تقول ده موقف والتراكيب النحوية والصرفية ونبدأ نتكلم عن التكست إن شاء الله. طيب عندنا طارق ومالك. أنت طارق وأنت مالك. أهلاً يا مالك. لي aussi dit pas salam alaykoum. Ouais. Vas-y. Hein? Vas-y. Ah, il dit ce qu'il y a. Toi, tu vas. Nous, c'est pas le salam entre nous, alhamdulillah. Eux, c'est leur problème. Si après, ils ne s'aiment pas trop, c'est eux qui vont chercher. Hein. Parce que le salam, c'est parmi les causes de l'amour entre les frères. Ahlan ya Malik. Ahlan wa sahlan bi ta'ayyatari. Non, donc on a dit quoi? Ahlan, c'est une formule de bienvenue. وأهل صالح باي. لماذا لا تحضرون للمكتبة كل يوم؟ إيوه. Pourquoi tu ne te présentes pas? Tu ne viens pas plutôt aujourd'hui. Tu ne viens pas à la bibliothèque tous les jours. لا أنا. لأنني. لأنني. نعم. لأنني أسكن قرب المطار. وسيارات الأجرات العظيمة. السيارات الأجرات. سيارات الأجرات. وسيارة الأجرات عالية. غالية. غالية. نعم. Donc l'ennemi c'est parce que je. Et ça va venir quand on pose une question avec l'imada. Tu réponds avec l'ennemi ou l'ennaka ou l'ennahum en fonction de la question. Ça va venir inchallah dans l'exercice. Donc il dit parce que j'habite proche de l'aéroport. Donc, tu vois la courba, c'est proche dans le sens du lieu, pas de la personne. Au Sayyara tout Ujara, Ghaliya. Et les taxis sont chers. Tariq. Pourquoi tu ne viens pas par le bus là-bas La Hunaka serait plutôt dans le sens là, il y a. Il y a beaucoup de lignes pour les bus. Pour les bus. Je ne sais pas où est-ce qu'il où les monter, c'est-à-dire où les trouver pour monter. Min Aina Al-Kaboua, d'où je dois monter dans les bus. Al-Kaboua, c'est. Je monte, ça. Ah, ouais. Ah, ok, voilà. طارق في كل مواقف للحافلات dans toutes les rues dans chaque rue parmi les rues ouais dans chaque rue parmi les grandes rues il y a une station de pour les bus. Il y a deux stations مواقف. استخدم بس. وهل هناك وسيلة أجرة أخرى؟ أخرى. فالحافلة دائما مزدحمة. مزدحمة. ils ont fait une faute, c'est مزدحمة en fait. Normalement la kasra elle est sur le mim et la fatha la kasra la fin elle est sous le ha. Et la fatha est sur le mime. Ils ont fait une erreur de. Donc ils demandent est-ce qu'il y a un autre moyen. Voici là, on a dit c'est moyen. Et Ukhra, c'est le féminin de Aha. Vous voyez Falhafila da'imen mustahima. Car les bus sont toujours bondés, tout le temps remplis.

Il joue au ballon. Peut-être qu'il joue au ballon. Un mot maintenant. Parce que je joue au ballon. Je dis, c'est un truc de dounia, ce livre. C'est pas un livre qui fait pour s'en prendre. C'est pas pour vous rapprocher d'Allah vraiment, tu vois. C'est pas un truc qui va vous donner une science, qui va vous permettre d'avoir un tafakkur din ou des choses comme ça. On va prendre des mots, mais comme je vous dis, c'est pour ça que. On fait le 1, ben je sais pas si on va faire le 2 ou le 3. Franchement, ça fait peur après. Dans quel état tu sens quand tu as fini un livre comme ça et que tu n'as pas de bonne directive avec toi? Non. Ça arrive. Ma fille est l'ifolem. لأنني أريد أن أشتري فاكهة. Pourquoi partir chez l'épicier? Parce que je vais acheter des fruits. Un fruit. نعم. رابعا. لماذا تشتري دفترا؟ لأنني أريد أن أكتب رسالة. Pourquoi achètes-tu un cahier? Parce que je veux écrire une lettre. نعم. لماذا تسأل عن عنوان أحمد؟ لأنني أريد أن أزوره. Pourquoi demandes-tu l'adresse de Ahmed? Parce que je veux le visiter. نعم. لماذا تحجز مكانا في الطائرة؟ لأنني أريد أن أسافر إلى البلاد. لا. إلى بلادي. أيوة إلى بلادي. Pourquoi réserves-tu une place dans l'avion? Parce que je veux voyager vers mon pays. Là, on va dire mes terres. On va dire mes terres. Ça va, ma foule maintenant. Et là, après, c'est pareil, je crois qu'il va vous exposer d'autres. Par exemple, plus tard, dans d'autres cours, là, on a appris les anani, parce que je, mais après, il y a parce que tu, parce que vous, parce qu'il, ainsi de suite. C'est le même dans ma vie. Ima yadhabu ila unak, liyannahu yuridu an yakal kada kada. Et, limaza tadhabuna ila unak, voyez, kulli annana nuridu an nafala kada wa kada. Après, tu mets le dami en fonction de la question. Il prend un mis en cinquièmement, c'est à dire on va le dire. Hel tahduru ilil ma'ad. Est-ce que tu vas à l'école, on va dire, au institut? La réponse, naam, tahduru ilil ma'ad. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment simple. C'est naam là. Après, tu as la réponse. Faniel, hel tahduru ilal maktabati. La ahduru ilal maktaba. Donc il veut faire comprendre que hel, c'est une question qui inclut la réponse avec nam aoula. Et a, pareil. Hamas spécifique. A, tulidu kaza, nam, uridu, aoula, la uridu. C'est pareil, le sens a une petite différence. Il y a des petites différences, des fois, il y en a qui rentrent plus dans une jumla ismiya, d'autres une jumla fi'liya. C'est tout. Sinon, le sens, il est à peu près pareil. Et des fois, t'en as, on l'utilise et pas l'autre. Mais sinon, le sens, c'est le même. Et dehors, ils disent Eish. Eish. Ça, c'est. Ils ont rentré Eish, avec Shei. Eish, en fait. Quand on dit Eish, tulid, c'est Eish, tulid. Quelle chose veux-tu? Quand on dit Eish, il y a un quoi, en fait? Et c'est venu chez les salafs, c'est employé. Aïch. Non, Aïch, c'est employé chez les anciens. On n'est pas trop loin de ça. Là, ça va, tu peux le dire.

هذا في البيت كذلك. عندي سؤال. نعم. القرب. القرب. C'est-à-dire le plus proche à la courbe. Ouais. C'est marqué à l'alif avec Fetha. Là, c'est la proximité. La courbe, c'est alif là, alors il n'y a pas de... Là, tu mets tout seul. Ouais. Mais si tu mets en mode filé, c'est proche de. Ouais. Et tout seul, c'est la proximité. Ouais. Et le marqué Khali. Khalia. Aïn. Najmu'aba. C'est le contraire de Khalia, c'est-à-dire vide. Et souvent en même temps ils disent Khali, Khali, c'est-à-dire quoi Khali. Ça, ça vient de Khala Yukhali, c'est-à-dire délaissé. D'accord. Donc ça n'a pas le, son. Ça passe en base là-dedans. Khalia. Ça n'a rien à voir avec Khalia. Non. Non, c'est pas le même. Attends, il est où le. Voilà, ça veut dire vide. Vous voyez ? Et quand c'est masculin, on dit khali. Non, khali. Tous les mots là, normalement, on les a pris. Qobl, avant. Dakhil, l'intérieur. Soud, la montée. Akfala, c'est kennasé. Huna, c'est ici. Kassir, beaucoup. Al-Kurb, proximité. Muzdahima, la foule. Al-Buhut, l'atterrissage. Al-Bourd, l'éloignement. Hunaka, là-bas. Qalil, peu. Khalij, extérieur. Khalia, vide. Ba'd, après. Fataha, ouvrir. Ça y est, on a qu'il faut un pistolet. فنقول الحمد لله رب العالمين